trouble, ces marques se collent à mon enveloppe. Nous connaissons-nous, l'ami inconnu du passé. Je suis une épaule éloignée de mon crâne, les yeux en l'air, mes pieds sur cette pauvre terre. Une dernière minute dans ce tunnel, ces moments malsains, assassins. Quelques collusions à mon oreille rapportent penser. Je les ai repoussés. Ne me dis pas que tu m'aimes. Est-ce une proposition indécente? Ma place est entrée. J'ai cessé de le nier. Je ne suis pas là. Cherche encore. Je ne suis pas là. Cherche encore. Je ne suis pas là. Ma fille, j'attends qu'on me surprenne. Il n'y a rien en toi qui en vaille la peine. J'attends, je surveille une nouvelle requête. Les yeux en l'air, mes pieds sur sa pauvre terre. Yeah.